Parmédone, merveille du monde, Pline présente ensuite la qualité de nombreux obélisques érigés en Égypte ou venus d'Égypte à Rome. En passant, parlons aussi des pyramides de cette même Égypte, oiseuses et folle ostentation de la richesse de ses rois. En effet, disent la plupart, les rois n'eurent pour les construire d'autres motifs que de ne pas laisser d'argent à leurs successeurs ou à leurs rivaux qui complotaient, ou ne pas tenir le peuple dans l'inaction. Ces hommes tirèrent une grande vanité de ces constructions. Les trois dont la renommée a rempli l'univers et qui véritablement sont en vue de toutes parts pour les navigateurs du fleuve sont dans la partie africaine sur une montagne pierreuse et stérile entre la ville de Memphis et le Delta. Devant elle est le Sphinx, plus admirable peut-être, sur lequel on a gardé le silence et qui est la divinité locale des habitants. La pyramide la plus grande est construite en pierre des carrières d'Arabie. On dit que 360 000 hommes y ont travaillé pendant 20 ans et que les trois furent terminés en 88 années et 4 mois. Le principal problème est de savoir comment les pierres ont été portées à une si grande hauteur. Selon les uns, on éleva des monceaux de nitre et de sel à mesure que la construction avançait, et quand elle fut terminée, on les fit fondre en amenant les eaux du Nil. Selon d'autres, on construisit des ponts en briques de limon et une fois l'édifice achevé, on répartit ces briques pour les maisons des particuliers, car, disent-ils, le Nil n'a pu venir au pied de la pyramide, étant beaucoup plus bas. Le moyen de mesurer la hauteur des pyramides et d'autres édifices semblables fut trouvé par Thalès de Milet. Il mesura leur ombre à l'heure où elle est égale au corps qu'il a produit. Telles sont les merveilleuses pyramides. Un autre monument qu'on vante, c'est la tour élevée par un roi dans l'île de Pharos, à l'entrée du port d'Alexandrie. Ce phare sert à montrer ses feux aux navires dans leur marche nocturne pour leur signaler les bas-fonds et l'entrée du port. De pareils feux sont allumés aujourd'hui en divers lieux, tels qu'Ostie et Ravenne. Le risque est de prendre ces feux permanents pour des étoiles, parce que de loin, l'aspect de leurs flammes y ressemble.